J'ai pas peur d'avoir des rats dans la tête. J'ai pas peur de voir interrompre la fête. Depuis ma folie, j'entends plus personne. Depuis ma folie, j'entends plus personne. J'suis prête pour le jour où faudra que ça pète. J'ai pas peur des bombes, j'aime pas les colombes. J'ai pas peur des bombes, j'aime pas les colombes. J'ai pas peur des bombes, j'aime pas les colombes. J'aime pas les colombes. Depuis ma folie, j'entends plus personne. Depuis ma folie, j'entends plus personne. J'entends plus personne. Je veux pas être comme eux, je peux plus voir leurs yeux. Je veux les massacrer, je voudrais les casser. Je veux rien faire pour eux, je voudrais m'en aller. Je voudrais m'en aller. Depuis ma folie, j'entends plus personne. Depuis ma folie, j'entends plus personne. Moi, règne du monde dans mon sous-marin. Je prépare vos tombes, je prépare vos tombes. Peut-être pour demain. Depuis ma folie, j'entends plus personne. Depuis ma folie, j'entends plus personne. J'entends plus personne. J'ai pas peur d'avoir des rats dans la tête. J'ai pas peur de voir interrompre la fête. J'suis prête pour le jour où faudra que ça pète. J'ai pas peur des bombes. J'ai pas peur des bombes. J'aime pas les colombes. Depuis ma folie, j'entends plus personne. Depuis ma folie, j'entends plus personne. J'ai pas peur des bombes, j'aime pas les colombes. J'ai pas peur des bombes, j'aime pas les colombes. J'aime pas les colombes, j'aime pas les colombes. Moi, reine du monde, dans mon sous-marin, je prépare vos tombes, peut-être. J'entends plus personne, j'entends plus personne, j'entends plus personne. J'ai pas peur des bombes, j'aime pas les colombes. J'ai pas peur des bombes, j'aime pas les colombes. J'ai pas peur des bombes, j'aime pas les colombes. J'aime pas les colombes.